Le camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, a prononcé le 23 l'allocution d'ouverture à la première conférence des présidents des organisations de base de tout le parti. Il a dit tout d'abord que la conférence des présidents des organisations de base de tout le parti se tient pour la première fois dans l'histoire de notre parti, dans la campagne solennelle pour appliquer la décision du 7e congrès du parti. Il a ensuite formulé le plus sublime respect et la gloire éternelle au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il, fondateur et leader de notre glorieux parti et symbole de notre patrie prestigieuse, en signe de la vénération infinie de tous les participants à la conférence, des militants du parti, des militaires de l'armée populaire et de la population du pays. Il a également adressé ses remerciements ardents et ses salutations militantes aux participants à la conférence et à d'autres présidents des organisations de base de tout le parti qui défendent sûrement les principaux postes d'application de la politique du parti à la même cadence du comité central du parti, en dépit de toutes les difficultés et épreuves, en considérant comme vitaux la fidélité absolue au parti et le dévouement infini envers le peuple. Le président du Parti du Travail de Corée a fait part de l'ensemble de la situation politique internationale comme l'actuelle situation en Asie Nord-Est et la situation en Corée du Sud pour souligner que les circonstances de la situation internationale actuelle témoignent plus clairement la justesse et l'exactitude de l'idée et de la ligne du Parti du Travail de Corée sur la promotion simultanée de l'édification économique et des armements nucléaires. Il a dit que les réactionnaires impérialistes, apeurés par la hausse sensible de la position stratégique de notre République, ont adopté les résolutions de sanctions à l'ONU et se démènent maintenant en parlant même des sanctions séparées, ce qui est le témoignage le plus évident de notre victoire, avant de relater fièrement le grand progrès réalisé cette année dans le développement de la révolution sous la direction correcte du parti. Et de continuer. Au cours de la campagne de 200 jours, grâce à la fidélité patriotique et au dévouement brûlant de tous les cadres et travailleurs, des succès de production sans précédent sont rapportés dans les secteurs industriels, agricoles, d'arboriculture fruitière et de pêche, les travaux de la première étape de rétablissement des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord, alors que la construction de l'avenue du Myon aussi est promue à une vitesse rapide pour l'achever bientôt. Le secteur de la science de défense nationale a réussi au développement des armes stratégiques de pointe de notre CRU, de sorte que les forces nucléaires nationales sont renforcées qualitativement et quantitativement, alors que beaucoup de succès sont remportés aussi dans la science, l'enseignement, la santé publique et les sports, grâce aux efforts des présidents des organisations de base de tout le parti, qui ont fait appel à tous les militants du parti et à d'autres travailleurs, pour défendre et appliquer au prix de la vie les lignes et politiques du parti. Le président du Parti du Travail de Corée a félicité ardemment une fois de plus les présidents des organisations de base du parti qui ont participé à la conférence avec la fierté d'avoir terminé victorieusement la campagne de 200 jours à l'appel du comité central du parti, ainsi que tous les militants du parti et le peuple. Il a affirmé que notre parti fait grand cas de la conférence des présidents des organisations de base de tout le parti en tant que le congrès du parti, car le rôle des organisations de base du parti décide du renforcement du parti et de la progression victorieuse de la révolution et du développement du pays. Surtout, il a attribué la grande importance au rôle des présidents des organisations de base du parti, car l'issue de l'exécution exacte des lignes politiques du parti dépend absolument du niveau de leur capacité politique et idéologique, compétence d'organisateur, combativité révolutionnaire et dynamisme persévérant. Le président du Parti du Travail de Corée a indiqué que la source de la force de notre parti et sa puissance indestructible viennent des liens de sang avec les larges masses populaires, du soutien et de la confiance désintéressée du peuple. Il a invité à analyser et dresser le bilan de façon critique et en profondeur des succès et expériences remportés dans le passé dans les affaires des organisations de base du parti, mais aussi des fautes existantes au sein des organisations de base du parti et des problèmes du rôle et du style de travail des présidents des organisations de base du parti. Il a discuté au sérieux les problèmes pour rehausser par tous les moyens la fonction et le rôle des organisations de base du parti pour le développement du parti et l'application de la politique du parti. Il a fait remarquer que l'objectif principal de la conférence est là où tous les participants réfléchissent sur leur vie avec la conscience de militants du parti et s'efforcent de corriger audacieusement leurs fautes pour ainsi en faire une occasion de grands changements opérant une grande révolution dans les affaires des organisations de base du parti. Le président du Parti du travail de Corée, Kim Jong-un, s'est montré certain que la conférence se tiendra avec succès grâce à la grande ardeur politique de tous les participants et sur leur participation active, et servira de jalon historique dans le renforcement de notre parti et l'accomplissement de la cause révolutionnaire du Tse, avant de proclamer l'ouverture de la première conférence des présidents des organisations de base de tout le parti.